was losing hope, but you felt the same. And it's been so long since I've seen your face that in my own mind I'd be. Énergie Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Bonjour, il fait pas chaud ce matin, dites-moi. Alors, nous sommes vendredi, le 30 septembre. C'est aujourd'hui à midi qu'aura lieu le tirage au sort pour les deux billets d'avion pour Melbourne. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et on s'informe avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier, aux alentours de 18h30, la conductrice d'une ambulance a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle roulait sur les hauteurs de la vallée du Tir. Elle a fait une chute de 80 mètres. Cette nuit, elle était en état d'urgence absolue. Les tarifs de l'électricité au kilowattheure peuvent varier de 1 à 6 entre les entreprises aidées et les particuliers. Figée depuis 31 ans, la grille tarifaire pourrait subir une profonde révision. Les administrations étoffent leur offre de services numériques. Service-public.nc compte désormais l'ensemble des acteurs du transport, de l'énergie ou encore des télécommunications, mais aussi des mutuelles, l'université ou encore l'Observatoire de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. Plus d'un mois à la suite d'une série de cambriolages, une quarantaine d'habitants de Val-Boisé à Païta se relaient chaque nuit pour assurer par leurs propres moyens la surveillance et la sécurité de ce vaste lotissement. Enfin, petit tour par la Groupama Race. Après un duel qui aura duré tout au long de la course, c'est finalement le Néo-Zélandais Rantan 2 qui arrive 15 minutes avant Jessica Rabbit, qui a donc bouclé hier soir la course. Kelbil vient d'arriver ce matin, puis une partie de la flotte calédonienne devrait elle aussi arriver dans les prochaines heures. Un accident de train s'est produit jeudi au matin à l'heure de pointe à Hoboken dans le New Jersey, en banlieue de New York, faisant au moins un mort et plusieurs dizaines de blessés. L'adieu de Shimon Peres rassemble tous les Israéliens. Les funérailles de l'ancien président sont prévues vendredi matin. Environ 80 représentants étrangers sont attendus pour cet événement. Enfin, François Hollande s'est rendu à Dammartin en Gueule en 20 mois après la prise d'otage dans l'imprimerie de Michel Catalano. Il y a inauguré les nouveaux locaux et remis la Légion d'honneur au patron ainsi qu'à un de ses salariés. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. On va rallumer le chauffage. Ah ben, c'est fait, hein. Qu'est-ce que tu crois? Alors, bon allez, ce matin, on va s'occuper de la météo de notre week-end. On regardera également en direction des nouveautés énergie. Il y a pas mal de choses à vous faire écouter aussi. Et puis, j'ai roulé sans gants ce matin. Et la froid, il n'arrête pas de se frotter les mains. Ouais. Mais alors, il lui reste un peu de neige encore. Ah ben, après, c'est limite, hein, franchement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Une date dans l'histoire. On va avoir une flûte enchanté dans quelques instants. Voici Matcom avec Keep Me Cool. Girl, you know I've been around the world. Yeah. But nothing can beat the feel of you putting that thing to work.

Dendéa fête la jeunesse samedi 8 octobre au skatepark de Coutio avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graph, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulette préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au skatepark de Coutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dumbéa, événement en partenariat avec Énergie. Dumbéa, j'aime vivre. Chérie, je suis rentrée des courses. Alors, voyons si tu n'as rien oublié. Mes yaourts 0%, les sodas 0%, mes céréales 0%. Mais c'est quoi cette voiture? Une Peugeot à 0%. Eh oui, jusqu'au 15 octobre 2016, Peugeot vous offre un crédit auto à 0% pour l'achat d'une Peugeot 208. Ménard Automobile, 41 44 70. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession. All right, are you ready for this? Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée! Énergie, it's music only. I was only walking through your neighborhood, saw your light on, honey, in the cold. I stood anywhere I go, there you are. Anywhere I go, there you are. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up here. Feel the lightness in my step. You're miles away, but I still feel you. Anywhere I go, there you are. Anywhere, anywhere I go, there you are. Late at night, when you can't fall asleep, I'll be lying right beside you, counting sheep. Anywhere I go, there you are. Thank you. L'excellent Fuego Ritano avec le Celtic Green. Tous les matins de la semaine, rendez-vous dans le Morning d'Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Dans un instant, nous allons parler des MTV Europe Music Awards. Au réveil, 18 degrés à peine sur Nouméa, peut-être moins encore chez vous. En tout cas, on va parler de la météo dans quelques instants aussi. Pour l'heure, on revient sur ces MTV Music Europe Awards avec Beyoncé et Justin Bieber qui sont nommés chacun dans 5 catégories. Ils sont donc en tête de la course aux Awards qui seront décernés le 6 novembre prochain à Rotterdam. La compétition est organisée chaque année par l'antenne européenne de MTV TV dans une ville européenne différente et devrait donc confirmer la domination de Queen Bey qui avait déjà été la grande gagnante fin août des Video Music Awards cette fois-ci, remportant le principal prix pour Formation, vidéo coup de poing qui évoque les violences policières contre les Afro-Américains. Alors qu'en est-il des autres ? Eh bien, le Canadien Justin Bieber est nommé notamment dans la catégorie meilleure chanson pour son hit Best Song. Le groupe danois Lucas Graham, nouveau venu sur la scène mondiale avec des titres comme Seven Years ou Mama Said, tire également son épingle du jeu avec 4 nominations. Lucas Graham, ça vous dit quelque chose ? Si. Ah, c'est eux ? Absolument. Quant à la Britannique Adele, portée par son tube Hello, elle est aussi nommée dans 4 catégories, tout comme le groupe Coldplay et le chanteur canadien Shawn Mendes. À suivre donc, ce sera, on l'a dit, à Rotterdam le 6 novembre. Énergie Nouméa. 5. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Freeride fête ses 7 ans jusqu'au 1er octobre. Profitez de prix anniversaire jusqu'à moins 40% sur les gammes windsurf, kite, stand-up paddle et surfwear. Freeride, 250 mètres carrés dédiés à la glisse, rue Bénébigue face à Jouer Club. Plus d'infos sur www.freeride.nc. Attention, ce sont les derniers tirages tout à l'heure, à midi, sur Énergie. Madeco ouvre ses portes aujourd'hui. Nouveau magasin de décoration avec ses mises en ambiance, objets de décoration. Madeco, c'est des idées cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madeco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madeco, c'est Madeco autrement. Le Ciné City présente Radin. T'es toujours aussi radin ? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. Vous avez raté votre bus ? Avec ce qu'on paye en impôts locaux, je le prendrai quand ce sera gratuit. Radin, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotion. Plus de 40 pilotes, un seul titre. Samedi 15 octobre dès 8h à l'arène du sud de Païta. Vivez la finale du Monster Energy King of Drift avec DIS, Ford et Repro Center. Pour la dernière manche du championnat de drift, les pilotes calédoniens vont vous offrir un spectacle inoubliable. Des animations surprises, de la fumée, de la glisse et les phases finales en nocturne. Samedi 15 octobre jusqu'à 20h30 à l'arène du sud de Païta. Rendez-vous pour la finale du Monster Energy King of Drift en partenariat avec Energy, SPAC et Chrono Pneu. Retransmission de la compétition en live et infos sur Facebook. Nouvelle-Calédonie Drift. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Donc, température à 5h et 6h ce matin relevée par Météo France, 18 degrés, c'est peu dans la journée. Les maximales s'échelonnent entre 26 et 29 degrés, localement 30 sur l'ouest. Pour ce matin, eh bien, le temps est généralement bien ensoleillé. Toutefois, quelques paquets de nuages bas persistent sur l'est et les Loyautés peuvent donner quelques gouttes. Sur la côte ouest, le vent est variable faible, puis les brises de sud à sud-est s'établissent pour atteindre une dizaine de nœuds. En fin de matinée, localement 10-15 nœuds sur le sud-ouest. Dans la l'après-midi, le soleil brille généreusement sur le sud et l'extrême nord. Ailleurs, nuages éclaircis alternent avec quelques gouttes possibles sur la côte est et les Loyautés et des débordements nuageux sur l'ouest en fin de journée. Enfin, les températures maximales de demain vont commencer à remonter, en particulier sur la côte ouest où l'on devrait atteindre les 32 degrés. Ce qui veut dire que la journée de samedi, le soleil va briller sur l'ouest. Ailleurs, là encore, quelques passages nuageux s'invitent, pouvant donner quelques gouttes sur le nord-est en matinée. Samedi toujours, le vent est généralement faible en matinée. Et dimanche, la journée sera très belle. Seuls quelques nuages débordent sur le nord de la côte est. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Chanteur, Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Je ne suis pas en sucre, je ne suis pas en sel, mais je sens bon l'amour jusque sous les aisselles. Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova, tu reviendrais bientôt quand j'y pense, rien ne la pense là. Mais en ce que tu as laissé, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Tu n'es pas la plus fine, non, tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme. Comme ce que tu n'es pas, mais que tu me montrais. Tu peux changer de voix, mais pas ce que tu es. Quand j'y pense, rien ne la pense. La béance que tu as laissé, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Vianney, je te déteste. Mais bon, elle vient quand même faire l'info. Oh, pardon. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Mais oui, c'est vendredi, tout peut arriver. Il est déjà 6h30, on vous souhaite une très très belle journée, très belle matinée. Je ne vous ai pas parlé des fêtes du jour. Eh bien, nous souhaitons une très bonne fête à Jérôme. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'ambulance finit 80 mètres en contrebas hier aux alentours de 18h30. La conductrice d'une ambulance a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle roulait sur la rue Tessandier de l'Aubarède, à quelques mètres de la tour Mobilis, sur les hauteurs de la vallée du Tir. La chute est violente, à tel point que la femme seule à bord est éjectée de 80 mètres plus bas de son véhicule, partie dans une série de tonneaux. Le groupe d'intervention et de secours spécialisé dans ce type d'intervention est déployé. L'objectif a été d'aller récupérer la victime sur une pente extrêmement inclinée. Grâce à un système de cordage, les spécialistes ont remonté la victime grièvement blessée moins d'une heure après l'accident. Elle était cette nuit en état d'urgence absolue. Avis de grands frais sur les tarifs de l'électricité. C'est le prochain grand chantier du système électrique. Les tarifs de l'électricité au kilowattheure peuvent varier de 1 à 6 entre les entreprises aidées et les particuliers. Figée depuis 31 ans, la grille tarifaire pourrait subir une profonde révision et notamment du fait de l'adoption du schéma de transition énergétique. Et puis on fait un tour par la Groupama Race après un duel qui aura duré tout au long de la course. C'est finalement le Néo-Zélandais Rantan 2 qui arrive 15 minutes avant Jessica Rabbit qui a bouclé donc hier soir à 20h29 le tour de Calédonie. Kelbil vient d'arriver ce matin. Une partie de la flotte calédonienne devrait elle aussi arriver arriver dans les prochaines heures. Speed Marine et Hey Candy sont au coude à coude, suivis de très près de la BNC et de Birdie Furax. Dans le reste de l'actualité, un accident de train s'est produit jeudi au matin à l'heure de pointe à Hoboken, dans le New Jersey, en banlieue de New York, faisant au moins un mort et 75 blessés. Le train, probablement bondé à cette heure-là, aurait raté son arrêt en fonçant un mur en bout de voie dans la gare. Hoboken est situé juste en face de Manhattan, de l'autre côté de l'Hudson. Et un grand nombre de personnes font la navette tous les jours par les transports en commun. Des milliers d'Israéliens ont rendu hommage toute la journée à Shimon Peres. Une colonne ininterrompue s'est formée dès le matin, grossissant au fil des heures dans la cour de la Knesset, le Parlement. Les funérailles de l'ancien président sont prévues vendredi matin sur le mont Herz à Jérusalem. La dépouille de Shimon Peres prendra place entre celle des anciens premiers ministres Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin. Enfin, François Hollande s'est rendu à Damartin en geôle 20 mois après la prise d'otage des frères Chérif et Saïd Kouachi dans l'imprimerie de Michel Catalano. Le président de la République s'est rendu dans ce village pour inaugurer les nouveaux locaux de l'imprimerie et remettre la Légion d'honneur à Michel Catalano, patron de l'imprimerie, retenu pendant 2 heures par les frères Kouachi, ainsi que Lilian Lepère, salarié qui était resté caché pendant 8 heures jusqu'à l'assaut. L'entreprise de Michel avait souffert de l'intervention des forces spéciales. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. If I go hard, let me tell you that it's worth it. Play the right cards, I ain't afraid to work it. Rush them right off when they say I don't deserve it. Hang on to my heart, you keep my fire burning. Hey. Oh, it feels so crazy when you scream my name. Yeah. Love it when you rock me over every day. Yeah. When I think about it, I could go insane. Yeah. Here we are, it's beautiful, I'm blown away. Cause the drama ain't important. Let them all talk, talk, I'ma just ignore it. Hang on to my heart, you keep me moving forward. Hey. Oh, it feels so crazy when you scream my name. B.I.G. Sean Dime. Okay, today I woke up feeling like the mayor. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie Jade. We escapade where it's extra shade. She made me want to give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. This is my life. Ross collar, double the dollar. Yeah. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. Yeah. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot. I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I better get the party hot. I can't be blocked. 10 years plus running the game. You brothers just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. 100,000 people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving. Is this a dream? démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. L'horoscope vous le dira peut-être pas, mais vous allez peut-être gagner un voyage. Si deux billets d'avion pour Melbourne, c'est pas dit parce qu'il faut garder le secret encore. Le tirage de sort n'aura lieu qu'à midi. Alors envoyez Melbourne pour deux billets d'avion valables 6 mois à compter de ce jour. Vous envoyez Melbourne au 41 368 francs le SMS. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, excellent vendredi. Nous sommes le 30 septembre. Votre horoscope est les béliers, d'humeur assez instable. Vous pourriez provoquer une certaine agitation autour de vous, tant dans la famille qu'au travail. Taureau, vous qui avez toujours rêvé du grand amour comme dans vos films préférés, vous voyez la vie en rose. Gémeaux, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes invité tour à tour par tous vos amis. Cancer, la journée ne sera guère propice aux échanges, aux câlineries. Vous avez décidé de bouder. Lion, à la reconquête d'un équilibre, vous essaierez de plaire à votre partenaire de toutes les manières possibles. Vierge, si vous avez quelque chose à dire, faites-le avec respect pour qu'on vous écoute. Balance, vous prenez la vie comme elle se déroule, en appréciant l'imprévu. Scorpion, Vénus fait briller vos yeux et fait cogner votre cœur. Vous serez un amoureux transi. Sagittaire, ne prenez pas la mouche pour le moindre reproche ou la moindre remarque. Finalement, le week-end commence. Capricorne, vous vous investirez très activement dans le bien-être de certains en oubliant le vôtre au passage. Verseau, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de vos responsabilités et les poissons du succès, vous en aurez. Votre charme, votre pouvoir de séduction seront intacts. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Sonic boom, super sonic. You got me high, you got me low. You make go, go, go out of control. I la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Boom, super sonic. You got me high. Radio. Cinnamon sur Énergie. 6h49. Vite, le Morning Énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 280404. Tout sur le prénom Jérôme. Dans un instant, auparavant, on va voir du côté de l'info. Ça fait 31 ans que la grille tarifaire de l'électricité n'a pas changé. Bien, il pourrait y avoir une refonte, on en parle dès 7h. Jérôme est un prénom composé des termes grecs Erios et Onema qui signifient respectivement sacré et nom. Nom comme le prénom mais en nom. Alors, il est le saint patron des traducteurs. Jérôme est un homme complexe et insaisissable. Il a une grande sensibilité qu'il a du mal à exprimer. Jérôme en chiffres, c'est un prénom qui devient rare puisque en 2013, il n'y a eu que 4 garçons qui ont reçu ce prénom. Mais la meilleure année, c'était 1974 avec le gros succès 13 577 petits Jérômes qui couraient partout comme ça. Mais si, et l'âge moyen de Jérôme est donc de 40 ans. Il occupe le 831e rang dans le classement des prénoms les plus donnés en France. Énergie Nouvelle-Calédonie. Identification. 93.5. Vous aimez rouler en vélo, roller, trottinette et skate? Les rues autour de la place des Cocotiers vous sont réservées ce dimanche de 9h à 18h. Avec au programme de nombreuses animations pour petits et grands. Plus d'infos sur nouméa.nc. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontouta vous invitent à savourer un cocktail de prix cadeau. Et les derniers jours, profitez de remises sur vos produits Auchan. Alors, jusqu'au 2 octobre, soyez festifs, soyez Simply. Simply Market, Michel-Ange et Tontouta. VIP de Simply. J'essaie d'organiser un week-end en famille, mais quelle galère pour tout réserver. Va sur le nouveau site reza.nc. Tu pourras réserver hôtel, gîte, restaurant, sortie en mer, karting, rando à cheval et plein d'autres activités en un clic. Avec reza.nc, tu sauras ce qui est disponible pour tes dates et tu obtiendras des promos exceptionnels partout sur le caillou. Super ! C'est quoi le nom du site ? www.reza.nc. R-E-S-A. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. Après Munich, Oktoberfest débarque à Nouméa avec GBNC Events et Énergie. Retrouvez l'ambiance festive et conviviale de cette fête bavaroise, mise en musique par la fanfare Malawi, ainsi qu'une sélection de 4 groupes locaux de référence.

but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally realized what you mean. To know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? But when I look back at all the crazy fights we had, it's like some kind of madness taking control. Yeah, and I have finally realized what you need. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Énergie des 7h et c'est tout à l'heure à midi qu'aura lieu le tirage de sort pour deux billets d'avion destination Melbourne. Melbourne au 41. 368 francs le SMS, pas cher. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Une refonte des grilles tarifaires de l'électricité est envisagée. Puis à Valboisé, des habitants patrouillent la nuit pour éviter les cambriolages. Enfin, un train a déraillé en gare dans le New Jersey à New York. Nous sommes le 30 septembre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. On commence avec cette actualité en Nouvelle-Calédonie. Une ambulance qui a fini 80 mètres en contrebas. Hier, aux alentours de 18h30, la conductrice d'une ambulance a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle roulait à quelques mètres de la tour Mobilis sur les hauteurs de la vallée du Tir. La chute a été violente à tel point que la femme seule à bord a été éjectée 80 mètres plus bas. Son véhicule, lui, est parti dans une série de tonneaux. Le groupe d'intervention et de secours GIS spécialisé dans ce type d'intervention a été déployé. L'objectif était d'aller récupérer la victime sur une pente extrêmement inclinée. Et bien, grâce à un système de cordage, les spécialistes ont remonté la femme grièvement blessée moins d'une heure après l'accident. Elle était cette nuit en état d'urgence absolue. Avis de grands frais sur les tarifs de l'électricité. C'est le prochain grand chantier du système électrique. Les tarifs de l'électricité au kilowattheure peuvent varier de 1 à 6 entre les entreprises aidées et les particuliers. Figée depuis 31 ans, la grille tarifaire pourrait subir une profonde révision et notamment du fait de l'adoption du schéma de transition énergétique. Les administrations étoffent leur offre de services numériques. Le gouvernement a signé hier une convention avec les 15 nouveaux partenaires du portail des administrations calédoniennes service-public.nc qui viennent s'ajouter aux 15 précédents. Ce service compte désormais l'ensemble des acteurs du transport, de l'énergie ou encore des télécommunications, mais il y a aussi des mutuelles, l'université ou encore l'Observatoire de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. Tous ont déjà pris le virage du numérique et souhaitent en faire bénéficier leurs usagers. Au total, 240 services dématérialisés sont proposés par les 30 partenaires. Bernard Deladrière, membre du gouvernement en charge de la simplification et de la modernisation administrative, revient sur le guichet unique numérique. C'est un portail sur lequel on peut entrer et être redirigé vers différents services publics. Ça concerne vraiment la vie au quotidien. Ça va depuis la facture d'eau, d'électricité, les services de transport, mais ça concerne aussi, par exemple, les bourses pour les étudiants, etc. La fiabilité des liaisons, c'est un problème très important. Et donc ça, c'est le rôle de l'OPT. Et c'est un partenaire efficace et engagé. Et puis ensuite, il y a la confidentialité des données, et ça, il y a des dispositifs très sûrs pour y aboutir. Ça va être l'occasion de faire aussi des économies. Oui, parce que ça fait des économies de papier, puis ça permet de libérer les personnes qui étaient obligées de remplir des tâches répétitives et donc de les utiliser pour d'autres tâches plus valorisantes en plus. Il n'y a pas de risque de suppression d'emploi, il y a un gain de productivité, d'efficacité, d'efficience. L'offre de services en ligne semble séduire le public. Depuis sa création, on compte 94 000 visiteurs, soit trois fois plus que l'année dernière. À Valboisé, à Païta, les habitants patrouillent. Depuis plus d'un mois, à la suite d'une série de cambriolages, une quarantaine d'habitants de Valboisé se relaient chaque nuit sans relâche au volant de leur véhicule. But de leur patrouille, assurer par leurs propres moyens la surveillance et la sécurité de ce vaste lotissement de 430 lots nichés au fin fond du centre-ville entre la Chaîne et Beauvallon. Alors si de nombreux riverains semble approuver la méthode, tout le monde dans le quartier ne voit pas ce nouveau procédé d'un bon oeil, car un tel dispositif soulève plusieurs questions, à commencer par le risque de dérapage lors d'une ronde. De son côté, le maire Harold Martin dit, je cite, évidemment encourager ces patrouilles spontanées. Avant le reste de l'actualité, on fait un tour par la Groupama Race. Et oui, après un duel qui aura duré tout au long de la course, c'est finalement le néo-zélandais Rantan 2 qui arrive 15 minutes avant Jessica Rabbit, qui a donc bouclé hier soir à 20h29 le tour du caillou en 4 jours, 10 heures, 39 minutes et 16 secondes pour être précis. Kelbil vient d'arriver ce matin, puis une partie de la flotte calédonienne devrait elle aussi arriver dans les prochaines heures. Speed Marine et Hey Candy sont au coude à coude, près de Païta, hein, suivi de près de la BNC et de Birdie Furax. International, un train déraille dans le New Jersey. Un accident de train s'est produit jeudi au matin à l'heure de pointe à Hoboken, en banlieue de New York, faisant au moins un mort et 75 blessés. Le train aurait raté son arrêt en fonçant un mur en bout de voie dans la gare d'Hoboken. Hoboken qui est quand même situé juste en face de Manhattan, de l'autre côté de l'Hudson. Et un grand nombre de personnes font la navette tous les jours par les transports en commun. L'adieu à Shimon Peres rassemble tous les Israéliens. Des milliers d'Israéliens ont rendu hommage toute la journée de jeudi. Une colonne ininterrompue s'est formée dès le matin, grossissant au fil des heures devant la cour de la Knesset, le Parlement. Les funérailles de l'ancien président sont prévues vendredi matin à Jérusalem. Sa dépouille prendra place entre celle des anciens premiers ministres Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin. Environ 80 représentants étrangers sont attendus pour cet événement qui a nécessité une mobilisation policière considérable. Barack Obama et Bill Clinton, notamment côté américain, et François Hollande et Nicolas Sarkozy pour la France. François Hollande qui décore justement les rescapés des frères Kouachi. Le chef de l'État s'est rendu à Dammartin en Gaule 20 mois après la prise d'otage des frères Chérif et Saïd Kouachi dans l'imprimerie de Michel Catalano. Le président est venu pour inaugurer les nouveaux locaux de l'imprimerie de Michel et remettre la Légion d'honneur au patron de l'imprimerie qui avait été retenu pendant 2 heures par les frères Kouachi, ainsi qu'à Lilian Lepère, c'était un salarié qui était resté caché pendant 8 heures dans l'imprimerie jusqu'à l'assaut. L'entreprise avait, on le rappelle, souffert de l'intervention des forces spéciales. Merci Delphine, il était caché où l'employé ? Sous un évier pendant 8 heures. Il a une médaille pour ça ? Ouais. Et moi je suis devant l'évier tous les soirs à faire la vaisselle pendant 1 heure et j'ai pas de médaille. Ça marche pas, t'envoies pas des textos en même temps. Ah bon, ça va. Parce qu'il a envoyé des textos. Et oui. Alors, l'imprimerie. L'info insolite. Allez, la pire demande en mariage. Ça s'est passé aux États-Unis pendant un match de baseball. Tu sais que les Américains, ils aiment bien faire leurs demandes. Il y a les caméras. Et donc... Il y a les caméras, puis il faut faire le bisou, des choses comme ça. Sauf qu'avant le bisou, il y a eu juste un petit souci, à ton avis, qui s'est passé au moment de la demande en mariage. Non, elle ne s'est pas enfuie en courant, je ne l'aurais pas faite ce matin. Non, je ne sais pas. Il a fait tomber la bague. Dans un gradin, dans des gradins bondés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Grand moment de solitude pour le jeune homme et pour tout le monde. Ils se sont mis à chercher la bague pendant de longues minutes, alors que les commentateurs restaient bloqués sur eux. Et puis c'était le suspense. Et puis à un moment donné, la caméra a surpris un regard de la fiancée, de la jeune femme. Un regard qui en dit long, mais genre, ah ouais non mais là c'est... Ça le fait pas du tout. Tu vois le regard désespéré, genre je sais pas si je vais dire oui. Ils ont fini par retrouver la bague, mais ça a duré très longtemps. Vraiment, on a pitié pour le jeune homme. Bon, elle a dit oui. Ils se sont embrassés, mais j'y crois pas trop. D'accord. Explique-moi, c'est comment un regard d'une fille qui dit non, là ça le fait pas du tout, histoire qu'on soit parfum, tu vois. Elle lui a dit pauvre type dans le regard. D'accord. Merci. Ça commence mal cette demande en mariage. C'est sûr. 7h07, bonne matinée à tous. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. So carefully, let's start living dangerously.

action. Temptation, transgression. We second with actors. The script is predestined. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Et la journée mondiale de la traduction nous permet de savoir que la chanson de Primal Scream à l'instant, Where the Lights Get In, et c'est où la lumière pénètre. Ah bon, d'accord. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Bah que c'est la journée mondiale. Non, c'est l'exposition Le Buzz du Jour. Ben oui, Le Buzz du Jour, c'est le capitaine Haddock qui vous insulte sur Twitter. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'exposition Hergé, qui a en effet lieu au Grand Palais depuis mercredi et jusqu'au 15 janvier, met à l'honneur les personnages mythiques des aventures de Tintin. Et pour l'occasion, les internautes ont la possibilité de se faire insulter par le capitaine Haddock en personne sur Twitter. Alors pour avoir le droit à son giron personnalisé, il suffit de taguer le compte Twitter du capitaine et d'ajouter le hashtag capitaine Haddock. Plusieurs twittos se sont déjà prêtés au jeu et ont eu le droit à de superbes injures dignes de l'un des personnages favoris de la saga de Tintin, dont on rappelle qu'à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. C'était pour la première fois une BD publiée en 1929. Alors nous avons joint le capitaine Haddock, il a quelques mois à nous dire... Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme. Eh oui, ça. Énergie, 7h20, suivre la météo. Énergie, Nouvelle-Calédonie. C'est ton anniversaire ce mois-ci? Atoll Alma et Moselle t'offre 20% de remise sur ta solaire et 10% sur ton équipement optique. L'offre anniversaire, c'est toute l'année chez tes deux opticiens Atoll Alma et Moselle ou sur Facebook. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Camp Sport, le spécialiste de la course à pied, des sports de raquettes, de la natation et du camping. Des arrivages réguliers et des prix toujours plus bas. Le sport à l'état pur. C'est chez Camp Sport, face au stade Nimadali à Magenta. Téléphone 28 51 98. Camp Sport. Madeco ouvre ses portes aujourd'hui. Nouveau magasin de décoration avec ses mises en ambiance, objets de décoration. Madeco, c'est des idées cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir. Des idées pour vous changer la vie avec des thèmes sympas. Tout pour embellir votre intérieur. Madeco, entre Geffroy et Luminaire Plus, Zac Panda, ouvert du lundi au samedi. Renseignements au 45 02 38. Madeco, c'est Madeco autrement. Dundea fête la jeunesse samedi 8 octobre au skatepark de Coutio avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graph, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulettes préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au skatepark de Coutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundea, événement en partenariat avec Énergie. J'aime vivre. Énergie. Vous Kaya Foucho. Avec Signal, faites de votre sourire votre plus bel atout avec des dents en pleine santé et éclatantes de blancheur. Le Kaya Foucho, de la musique, des jeux, des rubriques et un animateur déjanté. C'est le Kaya Foucho de 16h à 19h. Le Kaya Foucho. Avec Signal, vous aussi relevez le défi quotidien. Brossez-vous les dents deux fois par jour. De 16h à 19h, devient complètement Kaya Fou sur Énergie. Énergie. Énergie. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Alors notre météo, ça donne quoi? Eh bien voici les prévisions établies par Météo France pour aujourd'hui. La matinée est généralement très ensoleillée, toutefois quelques paquets de nuages bas persistent sur l'Est et les loyautés peuvent donner quelques gouttes. Dans l'après-midi, le soleil brille généreusement sur le sud et l'extrême nord. Ailleurs, nuages éclaircis alternent avec quelques gouttes possibles sur l'Est et les loyautés. Et les températures maximales s'échelonnent de 26 à 29 degrés. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. From a dream when my teeth fell out of my head. fond du car et nos ailes brûlées. Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. 7h31. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25-52-52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonne fête au Jérôme et bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Avis de grands frais sur les tarifs de l'électricité. C'est le prochain grand chantier du système électrique. Les tarifs de l'électricité au kilowattheure peuvent varier de 1 à 6 entre les entreprises aidées et les particuliers. Figée depuis 31 ans, la grille tarifaire pourrait subir une profonde fonds de révision, notamment du fait de l'adoption du schéma de transition énergétique. À Valboise et à Païta, les habitants patrouillent depuis plus d'un mois à la suite d'une série de cambriolages. Une quarantaine d'habitants se relaient chaque nuit sans relâche au volant de leur véhicule. L'objectif, assuré par leurs propres moyens, la surveillance et la sécurité de ce vaste lotissement de 430 lots niché au fin fond du centre-ville entre la Chaîne et Beauvallon. Si de nombreux riverains semblent approuver la méthode, tout le monde dans le quartier ne voit pas ce nouveau procédé d'un bon oeil, car un tel risque soulève plusieurs questions, à commencer par le risque de dérapage lors d'une ronde. De son côté, le maire Harold Martin dit, je cite, évidemment, encourager ces patrouilles spontanées. Enfin, petit tour du côté de la Groupama Race après un duel qui a duré tout au long de la course. C'est finalement le Néo-Zélandais Rantanen qui est arrivé 15 minutes avant Jessica Rabbit, qui a donc bouclé hier soir à 20h29 le tour du caillou en 4 jours, 10h39 minutes et 16 secondes. Kelbil vient d'arriver, puis une partie de la flotte calédonienne devrait aussi arriver dans les prochaines heures. Speed Marine et Aikandi sont au coude à coude près de Païta, suivi de près de la BNC et de Birdie Furax. Un accident de train s'est produit jeudi au matin à l'heure de pointe à Hoboken dans le New Jersey, en banlieue de New York, faisant au moins un mort et 75 blessés. Le train aurait raté son arrêt en fonçant un mur en bout de voie dans la gare, gare qui est située juste en face de Manhattan, de l'autre côté de l'Hudson. L'adieu à Shimon Peres rassemble tous les Israéliens, des milliers d'Israéliens qui ont donc rendu hommage toute la journée de jeudi dans la cour de la Knesset. Les funérailles de l'ancien président sont prévues vendredi matin. La dépouille de Shimon Peres prendra place entre celle des anciens premiers ministres Itzhak Shamir et Itzhak Rabin. Environ 80 représentants étrangers sont attendus pour cet événement, de Barack Obama à Bill Clinton, côté américain, en passant par François Hollande et Nicolas Sarkozy pour le côté français. Enfin, François Hollande s'est rendu à Dammartin en Gaule 20 mois après la prise d'otage des frères Kouachi. Le président de la République s'est rendu dans ce village pour inaugurer les nouveaux locaux de l'imprimerie de Michel Catalano et remettre la Légion d'honneur au patron donc de l'imprimerie qui avait été retenu pendant 2 heures par les frères Kouachi, ainsi qu'à Lilian Lepère, salarié qui était resté caché pendant 8 heures dans l'imprimerie jusqu'à l'assaut. On rappelle, l'entreprise avait souffert de l'intervention des forces spéciales. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Keep on making the same mistakes. tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Dans les jeux radiophoniques mondialement connus, il y en a principalement deux. Vous avez le bidule. Oui, et puis vous avez aussi le schmilblick. C'est lui qu'on retrouve avec Coluche. Bonjour, le schmilblick est aujourd'hui à Cajar, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle que le schmilblick est à peu près rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. Enfin, bon. À vous Cajar, à vous Simone, premier candidat. Bonjour Guy, habitant de Cajar, venu nombreux, bonjour. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulineau, marchand de pêche sur la place du marché à Cajar. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Posez votre question, monsieur Moulineau. Est-ce que le schmilblick est-il vert? Non. À quoi pensiez-vous, monsieur? Un verre de terre de chez Moulineau. Candidat suivant, très vite, Simone. Oui, candidat suivant, c'est monsieur. Bonjour, Diluc, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération, de passage à Cajar. Est-ce que le schmilblick a fait 39-40? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ils sont tous des planqués à la télévision. C'est ça, monsieur. Allons, très vite, Simone, candidat suivant. Oui, c'est à vous, monsieur. Rola Zahim Ben Salim. Monsieur Ben Salim. Salim, c'est pas français comme nom. Salim, alors, posez votre question. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il reste la soula, s'il vous plaît? Est-ce qu'il reste la tarawal schmilblick? Est-ce qu'il a pour cela qu'il a trouvé par terre? Tenez, Simone, monsieur, je ne comprends pas, monsieur a été coupé. Qui te raconte des saloperies à la télévision, toi, j'ai été coupé? Qui te raconte? C'est écoutez, monsieur, nous n'avons pas tout compris, alors... Si je ne comprends pas, je parle français. Ah, c'est bien toi, s'il te plaît. Alors, je fais la guerre d'Algérie comme tout le monde, s'il te plaît. Saloperie, raciste. Tenez, Simone, le candidat suivant, très vite, c'est monsieur. Oui, candidat suivant. Et Papy Mougeot. Est-ce que le chili-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi- suivant. Bonjour Guy Tou, Jean-François, que faire à Paris avec un César et Copine? Alors, est-ce que tu as peur de sortir l'hypothèse publique tout seul dans sa tente? Non, à quoi pensiez-vous? À la même chose que vous, dégoûtant. Très bien, s'il vous plaît, nous sommes pressés, Simone, oui. Candidat suivant, très bien. Le candidat suivant est une candidate. Non. Oh, excusez-moi, on ne les reconnaît plus. Alors allez-y, posez votre question, monsieur. Oui, est-ce qu'on peut pousser le public? Oui, pourquoi? Pour le faire avancer, eh ben allez. Ah, c'est très bien, très intelligent, ça. Allons, Simone, vite, très vite, oui, le candidat oui, suivant. Oui, c'est à vous, bonjour, monsieur. Bonjour, Linux. Bonjour, monsieur. Posez votre question, très bien. Non, j'ai pas de question, c'est pour dire à René qu'il aille directement chez ZZ, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, j'ai... Écoutez, on lui dira. Je vous en supplie, c'est pas de message personnel. Candidat suivant, c'est monsieur... Oui. Et Pépi Bougeot. Le Cajard. Bonjour, Linux. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon gars. Est-ce que le Chili... Que nous n'avons que 5 minutes. Ben le oui. Temps est presque écoulé, alors très vite, hein, s'il vous plaît. Très vite. Bonjour, Guillaume, là-dedans. Est-ce que le Spielblick, actuellement, est-il contre les travailleurs immigrés là-dedans? Non, monsieur, quoi pensiez-vous? Je pensais à une attaque de CRS, mais c'est pas bon, mais actuellement... Écoutez, s'il vous plaît, je rappelle que le Spielblick est un jeu, je rappelle que le Spielblick est un œuf, et un œuf ne fait pas de politique. Allons, voyons. Oui, mais non, je l'ai pas dit, mais non, j'ai rien dit, mais non. Alors, Simone, très vite, le candidat suivant. Sur un plot de passage à Cajard, est-ce qu'on peut mettre une fois le schmelblick dans le biberon des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites. Écoutez, Simone, tout ça est assez énervant. Le candidat suivant, s'il vous plaît. Oui, c'est parti, mouche. C'est parti, mouche. C'est pas un cadeau, ça. Est-ce que si mes blics, ils tiennent à la main, ils tiennent à bon, la écoutez, main... Bon, écoutez, admettons, monsieur Mougeot, à quoi pensez-vous? Alors, à rien, c'était pour faire avancer le chili-mi-mi. Simone, je vous en supplie, débarrassez-nous, poussez-le, vous m'entendez? Du délire et les meilleurs... meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Hey baby, ici c'est Makassim. Tout le mic, bam bam bilam bam. En un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Envie d'une nuit de folie, chérie, viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, enfin il te boit. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi. Ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son à sa dansant. Un doux suçon. Elle soupire et frissonne. Elle est le taxi. La conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Sí, en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. À l'arrière, tout s'enflamme, oh, c'est chaleur. Elle retire tous ses vêtements, oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la bouche, j'en oublie ma tour. Et le tel sonne, les autres attendent. Elles vont me prendre, oh yeah. Murder, they run. Envie, j'ai vu de folie, chérie, viens dans mon taxi. Taxi chéri, ça vous. Chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens. Chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens. Chéri, viens dans mon taxi. Chéri, viens. Chéri, viens dans mon taxi. Vous écoutez Énergie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami des picots. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. On va débuter avec l'anniversaire de celle qui a fait la fierté du cinéma français, l'actrice Marion Cotillard, à 41 ans. Elle vient d'annoncer qu'elle serait bientôt maman. Elle a aussi vécu il y a peu une petite perturbation puisqu'elle a été accusée d'être à l'origine de la séparation de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Ce qui est bien entendu faux. Ah non, elle est avec moi. Bon anniversaire à la joueuse de tennis Martina Hingis qui a 36 ans. Et on va rester dans la beauté et le charme avec la radieuse actrice italienne Monica Bellucci qui a 52 ans. En 95, elle se fait connaître avec le film L'appartement de Gilles Minouini qui lui vaut une nomination au César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Après quelques productions françaises très remarquées, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Le Pacte des Loups encore, eh bien, elle poursuit une carrière hollywoodienne avec la saga Matrix. 52 ans pour l'acteur Anthony Delon également. Et puis on se souvient de son tube J'ai rencontré l'homme de ma vie, la chanteuse canadienne québécoise Diane Dufresne, à 72 ans. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Dans un instant, Van der Kroot, pourquoi doit-on boire ? C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouméa. 93.5. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Ce soir, on se retrouve tous à l'Afterwork Thank God It's Friday dans les jardins du DEC, complexe Château Royal. Avec DJ Agorias, au platine. Thank God It's Friday. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Ouais, j'ai gagné. Ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour ? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 4 Ford Ranger, 4 iPhone, 4 iPad et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du 29 septembre. Il y a de l'actu avec un grand A et celle avec un grand... J'écoute Énergie partout ! Énergie. It's music only. Professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles est indispensable. Le corps humain est composé à près de 70% d'eau. Le reste, c'est du gras. Chez vous, oui. Il doit rester un petit bout de cervelle aussi en cherchant bien. Pour continuer à vivre, le corps humain doit en permanence se régénérer en eau, puisqu'il en consomme plus de 2 litres par jour. Pour fabriquer de la salive, par exemple, mais aussi des larmes. Mais aussi pour réguler la température du corps, permettre au métabolisme de nettoyer ses tissus et pour faire tourner les neurones. Ah bah, je vais en boire alors. Alors bien sûr, on retrouve de l'eau dans la plupart des aliments, ce qui n'est pas sans aider l'organisme, mais on estime que la majorité des hommes ne boivent pas assez d'eau durant une journée, ce qui donne lieu à des carences non négligeables. Comme l'alimentation nous fournit 20% de nos besoins en eau, le reste doit être complété par les boissons chaudes, froides, les soupes et les bouillons, soit 8 tasses par jour, toutes boissons confondues. Rajoutez à ça les 5 fruits et légumes par jour et vous serez au top, mes amis, au top. Vous saurez tout dans la minute du professeur Van der Kroot. Avec Cuisine Plus, chez Socaport Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Sais-tu qui est au bout du fil, qui appelle au milieu de la nuit? C'est ton ami des heures fragiles, pas l'amant, juste le confident.

Dernier jour du mois, oui, nous sommes le 30 septembre, ce qui veut dire qu'à midi, il y aura bien le tirage au sort pour les deux billets d'avion pour Melbourne. Il est 8h dans la radio, bonne fête, très bonne fête à Jérôme. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et ce matin, on s'intéressera à la Ligue Europa, mais auparavant, on retrouve Delphine pour l'info. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier, aux alentours de 18h30, la conductrice d'une ambulance a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'elle roulait sur les hauteurs de la vallée du Tir. Elle a fait une chute de 80 mètres. Elle était cette nuit en état d'urgence absolue. Les tarifs de l'électricité au kilowattheure peuvent varier de 1 à 6 entre les entreprises aidées et les particuliers. Figée depuis 31 ans, la grille tarifaire pourrait subir une profonde révision. Les administrations étoffent leur offre de services numériques. Servicespublics.nc compte désormais l'ensemble des acteurs du transport, de l'énergie ou encore des télécommunications. Mais il y a aussi des mutuelles, l'université ou encore l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Depuis plus d'un mois, à la suite d'une série de cambriolages, une quarantaine d'habitants de Valboisé à Païta se relaient chaque nuit pour assurer par leurs propres moyens la surveillance et la sécurité de ce vaste lotissement. Enfin, petit tour par la Groupama Race. Après un duel qui a duré tout au long de la course, c'est finalement le néo-zélandais Rantan 2 qui arrive 15 minutes avant Jessica Rabbit, qui a donc bouclé hier soir. Kelbil est arrivé ce matin et puis une partie de la flotte calédonienne devrait aussi arriver dans les prochaines heures. Un accident de train s'est produit jeudi au matin à l'heure de pointe à Hoboken dans le New Jersey, en banlieue de New York, faisant au moins un mort et 75 blessés. L'adieu à Shimon Peres rassemble tous les Israéliens. Les funérailles de l'ancien président sont prévues vendredi matin. Environ 80 représentants étrangers sont attendus pour cet événement. Enfin, François Hollande s'est rendu à Dammartin en Gaule 20 mois après la prise d'otage dans l'imprimerie de Michel Catalano. Il y a inauguré les nouveaux locaux et a remis la Légion d'honneur au patron ainsi qu'à un de ses salariés. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Et nous avons ce matin donc la Ligue Europa. Ah oui, deuxième match et deuxième défaite pour Nice dans le groupe I de la Ligue Europa. Le Gym a lourdement chuté à Krasnodar, 2-5 malgré un but de Mario Balotelli. Troisième de Serie A, l'Inter de Milan a subi une deuxième défaite d'affilée en Ligue Europa contre le Sparta Prague, 3-1. Claude Puel et Southampton ont fait match nul, 0 partout contre l'Apoel BR Sheva. Et puis Saint-Etienne a égalisé à la toute dernière minute du temps additionnel grâce à un but de Roux. C'était face à Anderlecht. Le score donc est de 1 partout. La préfecture va dans le sens du PSG. Le PSG qui souhaite le retour de ses supporters ultra au Parc des Princes a donc reçu un avis favorable de la préfecture de police de Paris. Du côté du PSG, on évoque la possibilité de regrouper des supporters déjà abonnés afin de recréer un noyau d'ambiance pour les autres, notamment ceux du collectif Ultra Paris qui souhaitent revenir. La sélection se fera au cas par cas et on peut imaginer que les conditions d'accès seront très strictes. Le marathon de Nice est finalement maintenu. Et c'est désormais officiel, le marathon Nice-Cannes est bien maintenu. Il se déroulera comme prévu le 13 novembre prochain. Depuis quelques jours, bruissait l'éventualité de son annulation, mais les 14 000 participants attendus pourront quand même prendre le départ. Le parcours a juste été modifié. Les coureurs partiront de l'Allianz Riviera et non de la promenade des Anglais. La distance réglementaire sera respectée et la sécurité, puisque le débat porté là-dessus est donc sera renforcé. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos sur Facebook. Ah, j'adore ce morceau, ça me met de bonne humeur le matin. Bonjour à tous, ça va JB, ça va Delphine? Oui, il va. Ça va. Présent, madame. Oh. Aujourd'hui dans Music News, eh bien, on parlera de Black M. Il s'est offert les services de Diplo, le collectif Diplo qui fait partie aussi de Major Lazer. Et puis Shakira, oui, elle va chanter sur son album. On écoutera Placebo avec Jesus Son, il y aura Train, il y aura Selena Gomez aussi. Que vous dire de plus? Bonjour. La surprise. Mais oui. Non, il y a une surprise. Il y a une surprise. Oh, on va regarder un clip. Non, on va jouer au bidule. Eh oui. Oh, on va jouer au bidule avec toi, JB. Ah bon? Bah oui. C'est un contrôle surprise pour toi. Exactement. JB. Alors le bruit moi, du bidule. J'avais le schmilblick ce matin dans le gag. Ah bah c'est bien. C'est un peu pareil. Hein. C'est pareil. C'est le même. Ouais, c'est ça. Hein, le schmilblick, un petit peu. Mais moins en fait. Le chumelik était un œuf, mais le bidule sera peut-être, justement. Ce serait étonnant que ce soit un œuf. Ah ouais. Très rigolo. Mais non, je l'ai pas dit. Ouais. Aïe, attends, j'appelle. Ouais, mais t'as pas dit s'il était poché, s'il était écrasé ou quoi que ce soit. En tout cas, toutes les propositions sont sur le site internet. Vous allez consulter avant de nous appeler. 36 67 67. Oui, parce que sinon, je répondrai pas. Oui, sinon, maîtresse Karen. La nouvelle recette de cuisine. T'avais l'œuf poché, t'avais l'œuf à la coque, l'œuf au plat, et maintenant, t'as l'œuf écrasé. C'est la recette de chez Karen. Ah, va te faire cuire un œuf. C'est ça la morale ce matin. Allez, c'est parti. Stand to attention. The moment's passed you by. Now is the rest of your life. Dare I to mention your laughter makes me cry. A speck of dust in my. Des nouvelles calédoniennes. Vous, c'est le nouveau rendez-vous quotidien des nouvelles calédoniennes. Tous les jours, avec votre journal, retrouvez le nouveau cahier détachable Culture et Pratique qui parle de spectacles, cinéma, cuisine, chasse, pêche, auto, moto et bien d'autres choses. Vous, le nouveau rendez-vous quotidien des nouvelles calédoniennes. 100% nouvelles, 100% calédoniennes et 100% vous. Ce soir, on se retrouve tous à l'Afterwork Thank God It's Friday dans les jardins du Deck, complexe Château Royal. Avec DJ Agorias, au platine. Thank God It's Friday. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Simply Market. Jusqu'au 2 octobre, vos deux supermarchés Michel-Ange et Tontuta vous invitent à savoir.